C'est marrant comme le chiffre 7 est important dans l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est pas le sujet, bien entendu. On part sur 7 alors.